Rhapsodie 5. Alors, Pallas Athénée donna la force et l'audace au Tydéide Diomédès, afin qu'il s'illustrât entre tous les Argiens et remportât une grande gloire. Et elle fit jaillir de son casque et de son bouclier un feu inextinguible, semblable à l'étoile de l'automne qui éclate et resplendit hors de l'Océanos. Tel ce feu jaillissait de sa tête et de ses épaules, et elle le poussa dans la mêlée où tout se ruait tumultueusement. Parmi les Troyens vivait Darès, riche et irréprochable sacrificateur de Héphaïstos. Il avait deux fils, Phygéus et Idaïos, habiles à tous les combats, et tous deux sur un même char se ruèrent contre le Tydéide, qui était à pied. Et lorsqu'ils se furent rapprochés, Phygéus le premier lança sa longue pique, et la pointe effleura l'épaule gauche du Tydéide, mais il ne le blessa point. Et celui-ci à son tour lança sa pique, et le trait ne fut point inutile qui partit de sa main, car il s'enfonça dans la poitrine, entre les mamelles, et jeta le guerrier à bas. Idaïos s'enfuit, abandonnant son beau char et en osant défendre son frère tué. Certes, il n'eut point pour cela évité la noire mort, mais Héphaïstos, l'ayant enveloppé d'une nuée, l'enleva afin que la vieillesse de leur vieux père ne fût point désespérée. Et le fils du magnanime Tydéus saisit leurs chevaux qu'il remit à ses compagnons pour être conduits aux nefs creuses. Et les magnanimes Troyens, voyant les deux fils de Darès, l'un en fuite et l'autre mort auprès de son char, furent troublés jusqu'au fond de leur cœur. Mais Athénée, aux yeux clairs, saisissant le furieux Arès par la main, lui parla ainsi. « Arès, Arès, fléau des hommes, tout sanglant, et qui renverse les murailles, ne laisserons-nous point combattre les Troyens et les Achaïens? Que le père Zeus accorde la gloire à qui il voudra. Retirons-nous et évitons la colère de Zeus. » Ayant ainsi parlé, elle conduisit le furieux Arès hors du combat et le fit asseoir sur la haute rive du Scamandros. Et les Danaïens repoussèrent les Troyens. Chacun des chefs tua un guerrier. Et le premier, le roi Agamemnon, précipita de son char le grand Odios, chef des Alizones. Comme celui-ci fuyait, il lui enfonça sa pique dans le dos, entre les épaules, et elle traversa la poitrine. Et les armes d'Odios résonnèrent dans sa chute. Et Idoménéus tua Phaïstos, fils du Maïonien Boros, qui était venu de la fertile Tarnée. L'illustre Idoménéus le perça à l'épaule droite de sa longue pique, comme il montait sur son char. Il tomba, et une ombre affreuse l'enveloppa, et les serviteurs d'Idoménéus le dépouillèrent. Et l'Atréide Ménélaos tua de sa pique aiguë Scamandrios, habile à la chasse, fils de Strophios. C'était un excellent chasseur qu'Artémis avait instruit, elle-même, à percer les bêtes fauves, et qu'elle avait nourri dans les bois, sur les montagnes. Mais, ni son habileté à lancer les traits, ni Artémis, qui se réjouit de ses flèches, ne lui servirent. Comme il fuyait, l'illustre Atréide Ménélaos le perça de sa pique dans le dos, entre les deux épaules, et lui traversa la poitrine. Et il tomba sur la face, et ses armes résonnèrent. Et Mériones tua Phéréclos, fils du charpentier Harmon, qui fabriquait adroitement toutes choses de ses mains, et que Pallas Athénée aimait beaucoup. Et c'était lui qui avait construit pour Alexandros ses nefs égales, qui devaient causer tant de maux aux Troyens et à lui-même, car il ignorait les oracles des dieux. Et Mériones, poursuivant Phéréclos, le frappa à la fesse droite, et la pointe pénétra dans l'os, jusque dans la vessie. Et il tomba en gémissant, et la mort l'enveloppa. Et Mégès tua Pédaïos, fils illégitime d'Anténor, mais que la divine Théano avait nourri avec soin au milieu de ses enfants bien-aimés, afin de plaire à son mari. Et l'illustre Phyléide, s'approchant de lui, le frappa de sa pique aiguë derrière la tête. Et l'airain, à travers les dents, coupa la langue, et les tomba dans la poussière en serrant de ses dents le froid airain. Et le Vaïmonide Eurypylos tua le divin Hypsénor, fils du magnanime Dolopion, sacrificateur du Scamandros, et que le peuple honorait comme un dieu. Et l'illustre fils d'Aveïmon, Eurypylos, se ruant sur lui comme il fuyait, le frappa de l'épée à l'épaule et lui coupa le bras, qui tomba sanglant et lourd. Et la mort pourprée et la moire violente emplirent ses yeux. Tandis qu'il combattait ainsi dans la rude mêlée, nul n'aurait pu reconnaître si le Tydéide était du côté des Troyens ou du côté des Achaïens. Il courait à travers la plaine, semblable à un fleuve furieux et débordé qui roule impétueusement et renverse les ponts. Ni les digues ne l'arrêtent, ni les enclos des vergers verdoyants, car la pluie de Zeus abonde, et les beaux travaux des jeunes hommes sont détruits. Ainsi les épaisses phalanges des Troyens se dissipaient devant le Tydéide, et leur multitude ne pouvait soutenir son choc. Et l'illustre fils de Lycaon, l'ayant aperçu se ruant par la plaine et dispersant les phalanges, tendit aussitôt contre lui son arc recourbé, et comme il s'élançait, le frappa à l'épaule droite, au défaut de la cuirasse. Et la flèche acerbe vola en sifflant et s'enfonça, et la cuirasse ruissela de sang. Et l'illustre fils de Lycaon s'écria d'une voix haute « Courage, Troyen, cavalier magnanime, le plus brave des Achaïens est blessé, et je ne pense pas qu'il supporte longtemps ma flèche violente. S'il est vrai que le roi, fils de Zeus, m'ait poussé à quitter la Lykie. » Il parla ainsi orgueilleusement, mais la flèche rapide n'avait point tué le Tydéide, qui, reculant, s'arrêta devant ses chevaux et son char, et dit à Sthénélos, fils de Capaneos, « Hâte-toi, ami Capaneïde, descends du char et retire cette flèche amère. » Il parla ainsi, et Sthénélos, sautant à bas du char, arracha de l'épaule la flèche rapide. Et le sang jaillit sur la tunique, et Diomédès, hardi au combat, pria ainsi, « Entends-moi, fille indomptée de Zeus tempétueux, si jamais tu nous as protégés, mon père et moi, dans la guerre cruelle, Athénée, secours-moi de nouveau. Accorde-moi de tuer ce guerrier. Amène-le au-devant de ma pique impétueuse, lui qui m'a blessé le premier, et qui s'en glorifie, et qui pense que je ne verrai pas longtemps encore la splendide lumière de Hélios. » Il parla ainsi, en priant, et Pallas Athénée l'exauça. Elle rendit tous ses membres, et ses pieds et ses mains plus agiles, et s'approchant, elle lui dit, en paroles ailées, « Reprends courage, ô Diomédès, et combats contre les Troyens, car j'ai mis dans ta poitrine l'intrépide vigueur que possédait le porte-bouclier, le cavalier Tydéus, et j'ai dissipé le nuage qui était sur tes yeux, afin que tu reconnaisses les dieux et les hommes. Si un immortel venait te tenter, ne lutte point contre les dieux immortels. Mais si Aphrodite, la fille de Zeus, descendait dans la mêlée, frappe-la de l'airain aigu. » Ayant ainsi parlé, Athénée aux yeux clairs s'éloigna, et le Tydéide retourna à la charge, mêlé au premier rang. Et naguère il était certes plein d'ardeur pour combattre les Troyens, mais son courage est maintenant trois fois plus grand. Il est comme un lion qui, dans un champ où paissaient des brebis laineuses, au moment où il sautait vers l'étable, a été blessé par un pâtre, et non tué. Cette blessure accroît ses forces. Il entre dans l'étable et disperse les brebis qu'on n'ose plus défendre. Et celles-ci gisent égorgées les unes sur les autres. Et le lion bondit hors de l'enclos. Ainsi le brave Diomédès se rua sur les Troyens. Alors il tua Astynoos et Hippéinor, prince des peuples. Et il perça l'un de sa pique d'airain au-dessus de la mamelle. Et de sa grande épée, il brisa la clavicule de l'autre et sépara la tête de l'épaule et du dos. Puis, les abandonnant, il se jeta sur Abas et Polyidos, fils du vieux Eurydamas, interprète des songes. Mais le vieillard ne les avait point consultés au départ de ses enfants, et le brave Diomédès les tua. Et il se jeta sur Xanthos et Thoon, fils tardif de Phaïnopos, qui les avait tus dans sa triste vieillesse, et qui n'avait point engendré d'autres enfants à qui il pût laisser ses biens. Et le Tydéide les tua, leur arrachant l'âme, et ne laissant que le deuil et les tristes douleurs à leur père, qui ne devait point les revoir vivants au retour du combat, et dont l'héritage serait partagé selon la loi. Et Diomédès saisit deux fils du Dardanide Priamos, montés sur un même char, Échémon et Chromios. Comme un lion bondissant sur des bœufs, brise le cou d'une génisse ou d'un taureau paissant dans les bois. Ainsi le fils de Tydéus, les renversant tous deux de leurs chars, les dépouilla de leurs armes et remit leurs chevaux à ses compagnons pour être conduits au nef. Mais Aïnéas, le voyant dissiper les lignes des guerriers, s'avança à travers la mêlée et le bruissement des piques, cherchant de tous côtés le divin Pandaros. Il rencontra le brave et irréprochable fils de Lycaon, et s'approchant, il lui dit « Pandaros, où sont ton arc et tes flèches? Et ta gloire, quel guerrier pourrait te la disputer? Qui pourrait en Lycie se glorifier de l'emporter sur toi? Allons, tends les mains vers Zeus et envoie une flèche à ce guerrier. Je ne sais qui il est, mais il triomphe. Il a déjà infligé de grands maux aux Troyens. Déjà, il a fait ployer les genoux d'une multitude de braves. Peut-être est-ce un dieu irrité contre les Troyens à cause de sacrifices négligés, et la colère d'un dieu est lourde. » Et l'illustre fils de Lycaon lui répondit « Aïnéas, conseiller des Troyens revêtu d'airain, je crois que ce guerrier est le Tydéide. Je le reconnais à son bouclier, à son casque aux trois cônes et à ses chevaux. Cependant, je ne sais si ce n'est point un dieu. Si ce guerrier est le brave fils de Tydéus, comme je l'ai dit, certes, il n'est point ainsi furieux sans l'appui d'un dieu. Sans doute, un des immortels, couvert d'une nuée, se tient auprès de lui et détourne les flèches rapides. Déjà, je l'ai frappé d'un trait à l'épaule droite, au défaut de la cuirasse. J'étais certain de l'avoir envoyé chez Aïdès, et voici que je ne l'ai point tué. Sans doute, quelque dieu est irrité contre nous. Ni mes chevaux ni mon char ne sont ici. J'ai dans les demeures de Lycaon 11 beaux chars tout neufs, couverts de larges draperies. Auprès de chacun d'eux sont 2 chevaux qui pèsent l'orge et l'avoine. Certes, le belliqueux vieillard de Lycaon, quand je partis de mes belles demeures, me donna de nombreux conseils. Il m'ordonna, monté sur mon char et traîné par mes chevaux, de devancer tous les Troyens dans les mâles combats. J'aurais mieux fait d'obéir, mais je ne le voulus point, désirant épargner mes chevaux accoutumés à manger abondamment et de peur qu'ils manquassent de nourriture au milieu de guerriers assiégés. Je les laissai et vins à pied vers Ilios, certain de mon arc, dont je ne devais pas me glorifier cependant. Déjà je l'ai tendu contre 2 chefs, l'Atréide et le Tydéide, et je les ai blessés et j'ai fait couler leur sang, et je n'ai fait que les irriter. Certes, ce fut par une mauvaise destinée que je détachai du mur cet arc recourbé le jour funeste où je vins, dans la riante Ilios, commander aux Troyens, pour plaire au divin Hector. Si je retourne jamais, et si je revois de mes yeux ma patrie et ma femme et ma haute demeure, qu'aussitôt un ennemi me coupe la tête, si je ne jette, brisé de mes mains, dans le feu éclatant, cet arc qui m'aura été un compagnon inutile. » Et le chef des Troyens, Aïnéas, lui répondit : « Ne parle point tant, rien ne changera si nous poussons à cet homme, sur notre char et nos chevaux, et couverts de nos armes. Tiens, monte sur mon char, et vois quels sont les chevaux de Tros, habiles à poursuivre ou à fuir rapidement dans la plaine. Ils nous ramèneront saufs dans la ville, si Zeus donne la victoire au Tydéide Diomédès. Viens, saisis le fouet et les belles rênes, et je descendrai pour combattre, ou combats toi-même, et je guiderai les chevaux. » Et l'illustre fils de Lycaon lui répondit « Aïnéas, charge-toi des rênes et des chevaux. Ils traîneront mieux le char sous le conducteur accoutumé si nous prenions la fuite devant le fils de Tydéus. Peut-être, plein de terreur, resteraient-ils inertes, et ne voudraient-ils plus nous emporter hors du combat, n'entendant plus ta voix. » Ayant ainsi parlé, ils montèrent sur le char brillant et poussèrent les chevaux rapides contre le Tydéide. Et l'illustre fils de Capaneus, Sthénélos, les vit. Et aussitôt il dit au Tydéide ces paroles ailées : « Tydéide Diomédès, le plus cher à mon âme, je vois 2 braves guerriers qui se préparent à te combattre. Tous 2 sont pleins de force. L'un est l'habile archer Pandaros, qui se glorifie d'être le fils de Lycaon. L'autre est Aïnéas, qui se glorifie d'être le fils du magnanime Anchises, et qui a pour mère Aphrodité elle-même. Reculons donc, et ne te jette point en avant, si tu ne veux perdre ta chère âme. » Et le brave Diomédès, le regardant d'un œil sombre, lui répondit : « Ne parle point de fuir, car je ne pense point que tu me persuades. Ce n'est point la coutume de ma race de fuir et de trembler. Je possède encore toutes mes forces, j'irai au-devant de ces guerriers. Pallas Athénée ne me permet point de craindre. Leurs chevaux rapides ne nous les arracheront point tous deux, si, du moins, un seul en réchappe. Mais je te le dis, et souviens-toi de mes paroles. Si la sage Athénée me donnait la gloire de les tuer tous deux, arrête nos chevaux rapides, attache les rênes aux chars, cours aux chevaux d'Aïnéas et pousse-les parmi les Achaïens aux Belknémides. Ils sont de la race de ceux que le prévoyant Zeus donna à Tros en échange de son fils Ganymédès. Et ce sont les meilleurs chevaux qui soient sous Eos et Hélios. Le roi des hommes, Anchises, à l'insu de Laomédon, fit saillir des cavales par ses étalons. Il en eut 10 rejetons. Il en retient 4 qu'il nourrit à la crèche. Et il a donné ces 2-ci, rapides à la fuite, à Aïnéas. Si nous les enlevons, nous remporterons une grande gloire. Pendant qu'ils se parlaient ainsi, les 2 Troyens poussaient vers eux leurs chevaux rapides, et le premier, l'illustre fils de Lycaon, s'écria « Très brave et très excellent guerrier, fils de l'illustre Tydéus, mon très rapide, ma flèche amère, ne t'a point tué, mais je vais tenter de te percer de ma pique. » Il parla et, lançant sa longue pique, frappa le bouclier du Tydéide. La pointe d'airain siffla et s'enfonça dans la cuirasse. Et l'illustre fils de Lycaon cria à voix haute « Tu es blessé dans le ventre. Je ne pense point que tu survives longtemps, et tu vas me donner une grande gloire. » Et le brave Diomédès lui répondit avec calme « Tu m'as manqué loin de m'atteindre, mais je ne pense pas que vous vous reposiez avant qu'un de vous au moins ne tombe et ne rassasie de son sang Arès, l'audacieux combattant. » Il parla ainsi et lança sa pique. Et Athénée la dirigea au-dessus du nez, auprès de l'œil, et l'airain indompté traversa les blanches dents, coupa l'extrémité de la langue et sortit sous le menton. Et Pandaros tomba du char, et ses armes brillantes, aux couleurs variées, résonnèrent sur lui. Et les chevaux aux pieds rapides frémirent, et la vie et les forces de l'homme furent brisées. Alors Aïnéas s'élança, avec son bouclier et sa longue pique, de peur que les Achaïens n'enlevassent le cadavre. Et tout autour, il allait comme un lion confiant dans ses forces, brandissant sa pique et son bouclier bombé, prêt à tuer celui qui oserait approcher, et criant horriblement. Mais le Tydéide saisit de sa main un lourd rocher que 2 hommes, de ceux qui vivent aujourd'hui, ne pourraient soulever. Seul, il le remua facilement. Et il en frappa Aïnéas à la cuisse, là où le fémur tourne dans le cotyle. Et la pierre rugueuse heurta le cotyle, rompit les 2 muscles supérieurs et déchira la peau. Le héros, tombant sur les genoux, s'appuya d'une main lourde sur la terre, et une nuit noire couvrit ses yeux. Et le roi des hommes, Aïnéas, eut sans doute péri si la fille de Zeus, Aphrodite, ne l'eût aperçue, car elle était sa mère, l'ayant conçue d'Anchises, comme il paissait ses bœufs. Elle jeta ses bras blancs autour de son fils bien-aimé et l'enveloppa des plis de son péplos éclatant, afin de le garantir des traits et de peur qu'un des guerriers d'Anaïn enfonçât les reins dans sa poitrine et lui arrachât l'âme. Et elle enleva hors de la mêlée son fils bien-aimé. Mais le fils de Capaneus n'oublia point l'ordre que lui avait donné Diomédès hardi au combat. Il arrêta brusquement les chevaux aux sabots massifs, en attachant au char les rênes tendues. Et se précipitant vers les chevaux aux longues crinières d'Aïnéas, il les poussa du côté des Achaïens aux Belknémides. Et il les remit à son cher compagnon Déipylos, qui l'honorait au-dessus de tous, tant leurs âmes étaient d'accord, afin que celui-ci les conduisît aux nefs creuses. Puis le héros, remontant sur son char, saisit les belles rênes et, traîné par ses chevaux aux sabots massifs, suivit le Tydéide. Et celui-ci, de l'airain meurtrier, pressait ardemment Aphrodite, sachant que c'était une déesse pleine de faiblesse, et qu'elle n'était point de ces divinités qui se mêlent aux luttes des guerriers, comme Athénée ou comme Ennio, la destructrice des citadelles. Et, la poursuivant dans la mêlée tumultueuse, le fils du magnanime Tydéus bondit, et de sa pique aiguë blessa sa main délicate. Et aussitôt l'airain perça la peau divine à travers le péplos, que les Charites avaient tissé elles-mêmes. Et le sang immortel de la déesse coula, subtil, et tel qu'il sort des dieux heureux. Car ils ne mangent point de pain, ils ne boivent point le vin ardent, et c'est pourquoi ils n'ont point notre sang, et sont nommés immortels. Elle poussa un grand cri et laissa tomber son fils. Mais Phoebos Apollon le releva de ses mains et l'enveloppa d'une noire nuée, de peur qu'un des cavaliers danéens enfonçât les reins dans sa poitrine et lui arrachât l'âme. Et Diomédès, hardi au combat, cria d'une voix haute à la déesse « Fille de Zeus, fuis la guerre et le combat. Ne te suffit-il pas de tromper de faibles femmes? Si tu retournes jamais au combat, certes, je pense que la guerre et son nom seul te feront trembler désormais. » Il parla ainsi, et Aphrodité s'envola, pleine d'affliction et gémissant profondément. Iris, aux pieds rapides, la conduisit hors de la mêlée, accablée de douleur, et son beau corps était devenu noir. Et elle rencontra l'impétueux Arès, assis à la gauche de la bataille. Sa pique et ses chevaux rapides étaient couverts d'une nuée. Et Aphrodité, tombant à genoux, supplia son frère bien-aimé de lui donner ses chevaux liés par des courroies d'or. « Frère bien-aimé, secours-moi, donne-moi tes chevaux pour que j'aille dans l'Olympos, qui est la demeure des immortels. Je souffre cruellement d'une blessure que m'a faite le guerrier mortel Tydéide, qui combattrait maintenant le père Zeus lui-même. » Elle parla ainsi, et Arès lui donna ses chevaux aux aigrettes dorées, et, gémissant dans sa chère âme, elle monta sur le char. Iris monta auprès d'elle, prit les rênes en main, et frappa les chevaux du fouet, et ceux-ci s'envolèrent et atteignirent aussitôt le haut Olympos, demeure des dieux. Et la rapide Iris arrêta les chevaux aux pieds prompts comme le vent, et sautant du char, leur donna leur nourriture immortelle. Et la divine Aphrodite tomba aux genoux de Dioné, sa mère, et celle-ci, entourant sa fille de ses bras, la caressa et lui dit « Quel Ouranien, chère fille, t'a ainsi traité, comme si tu avais ouvertement commis une action mauvaise ?» Et Aphrodité, qui aime les sourires, lui répondit « L'audacieux Diomédès, fils de Tydéus, m'a blessé, parce que j'emportais hors de la mêlée mon fils bien-aimé, Aïnéas, qui m'est le plus cher de tous les hommes. La bataille furieuse n'est plus seulement entre les Troyens et les Achaïens, mais les Danaïens combattent déjà contre les immortels. » Et l'illustre déesse Dionée lui répondit « Subis et endure ton mal, ma fille, bien que tu sois affligée. » Déjà plusieurs habitants des demeures ouraniennes, par leur discorde mutuelle, ont beaucoup souffert de la part des hommes. Arès a subi de grands maux quand Otos et le robuste Éphialtès, fils d'Aloé, le lierre de forte chaîne. Il resta 13 mois enchaîné dans une prison d'airain. Et peut-être qu'Arès, insatiable de combat, eût péri si la belle Eriobia, leur marâtre, n'eût averti Hermès, qui délivra furtivement Arès, respirant à peine, tant les lourdes chaînes l'avaient dompté. Erée souffrit aussi, quand le vigoureux Amphitryonade la blessa à la mamelle droite d'une flèche à trois pointes, et une irrémédiable douleur la saisit. Et le grand Aïdès souffrit entre tous, quand le même homme, fils de Zeus tempétueux, le blessa sur le seuil du Hadès, au milieu des morts, d'une flèche rapide, et l'accabla de douleur. Il vint dans la demeure de Zeus, dans le grand Olympos, plein de maux et gémissant dans son cœur, car la flèche était fixée dans sa large épaule et torturait son âme. Et Païéon, répandant de doux baume sur la plaie, guérit Aïdès, car il n'était point mortel comme un homme. Et tel était Héraclès, impie, irrésistible, se souciant peu de commettre des actions mauvaises, et frappant de ses flèches les dieux qui habitent l'Olympos. C'est la divine Athénée, aux yeux clairs, qui a excité un insensé contre toi, et le fils de Tydéus ne sait pas dans son âme qu'il ne vit pas longtemps celui qui lutte contre les immortels. Ses enfants, assis sur ses genoux, ne le nomment point leur père au retour de la guerre et de la rude bataille. Maintenant, que le Tydéide craigne, malgré sa force, qu'un plus redoutable que toi ne le combatte. Qu'il craigne que la sage-fille d'Adrestès, Aigialeia, la noble femme du dompteur de chevaux Diomédès, gémisse bientôt en s'éveillant et en troublant ses serviteurs, parce qu'elle pleurera son premier mari, le plus brave des Achaïens. Elle parla ainsi, et de ses deux mains étancha la plaie, et celle-ci fut guérie, et les amères douleurs furent calmées. Mais Héré et Athénée, qui les regardaient, tentèrent d'irriter le chroné de Zeus par des paroles mordantes. Et la divine Athénée, aux yeux clairs, parla ainsi la première. « Père Zeus, peut-être seras-tu irrité de ce que je vais dire, mais voici qu'Aphrodite, en cherchant à mener quelque femme achaïenne au milieu des Troyens qu'elle aime tendrement, en s'efforçant de séduire par ses caresses une des achaïennes au beau péplos, a déchiré sa main délicate à une agrafe d'or. Elle parla ainsi, et le père des hommes et des dieux sourit, et, appelant Aphrodite d'or, il lui dit « Ma fille, les travaux de la guerre ne te sont point confiés, mais à l'impétueux Arès et à Athénée, ne songe qu'aux douces joies des Hyménées. » Et ils parlaient ainsi entre eux. Et Diomédès, hardi au combat, se ruait toujours sur Aïnéas, bien qu'il sût qu'Apollon le couvrait des deux mains. Mais il ne respectait même plus un grand dieu, désirant tuer Aïnéas et le dépouiller de ses armes illustres. Et trois fois il se rua, désirant le tuer, et trois fois Apollon repoussa son bouclier éclatant. Mais quand il bondit une quatrième fois, semblable à un dieu, Apollon lui dit d'une voix terrible « Prends garde, Tydéide, et ne t'égale point aux dieux, car la race des dieux immortels n'est point semblable à celle des hommes qui marchent sur la terre. » Il parla ainsi, et le Tydéide recula un peu, de peur d'exciter la colère de l'archer Apollon. Et celui-ci déposa Agnias loin de la mêlée, dans la sainte Pergamos, où était bâti son temple. Et Leto et Artémis, qui se réjouit de ses flèches, prirent soin de ce guerrier et l'honorèrent dans le vaste sanctuaire. Et Apollon, à l'arc d'argent, suscita une image vaine, semblable à Aïnéas, et portant des armes pareilles. Et autour de cette image, les Troyens et les divins Achaïens se frappaient sur les peaux de bœuf qui couvraient leur poitrine, sur les boucliers bombés et sur les cuirasses légères. Alors le roi Phoïbos Apollon dit à l'impétueux Arès « Arès, Arès, fléau des hommes, sanglant, et qui renverse les murailles, ne vas-tu pas chasser hors de la mêlée ce guerrier, le Tydéide, qui, certes, combattrait maintenant même contre le père Zeus ? Déjà il a blessé la main d'Aphrodite, puis il a bondi sur moi, semblable à un dieu. » Ayant ainsi parlé, il retourna s'asseoir sur la haute Pergamos, et le cruel Arès, se mêlant aux Troyens, les excita à combattre, ayant pris la forme de l'impétueux Acamas, prince des Thraciens. Il exhorta les fils de Priamos, nourrisson de Zeus. « Ô fils du roi Priamos, nourri par Zeus, jusque à quand laisserez-vous les Achaïens massacrer votre peuple? Attendrez-vous qu'ils combattent autour de nos portes solides? Un guerrier est tombé que nous honorions autant que le divin Hector, Aïnéas, fils du magnanime Anchises. Allons, enlevons notre brave compagnon hors de la mêlée. » Ayant ainsi parlé, il excita la force et le courage de chacun. Et Sarpédon dit ces dures paroles au divin Hector. « Hector, qu'est devenu ton ancien courage ? Tu te vantais naguère de sauver ta ville, sans l'aide des autres guerriers, seul, avec tes frères et tes parents. Et je n'ai encore aperçu aucun, car ils tremblent tous comme des chiens devant le lion. C'est nous, vos alliés, qui combattons. Me voici, moi, qui suis venu de très loin pour vous secourir. » Elle est éloignée, en effet, la Lykiée, où coule Xanthos plein de tourbillons. J'y ai laissé ma femme bien-aimée et mon petit enfant, et mes nombreux domaines que le pauvre convoite. Et cependant, j'excite les Lykiens au combat, et je suis prêt moi-même à lutter contre les hommes, bien que je n'aie rien à redouter ou à perdre des maux que vous apportent les Achaïens, ou des biens qu'ils veulent vous enlever. Et si tu restes immobile, et si tu ne commandes même pas à tes guerriers de résister et de défendre leurs femmes, ne crains-tu pas qu'enveloppés tous comme dans un filet de lin, vous deveniez la proie des guerriers ennemis ? Sans doute, les Achaïens renverseront bientôt votre ville aux nombreux habitants. C'est à toi qu'il appartient de songer à ces choses, nuit et jour, et de supplier les princes alliés, afin qu'ils tiennent fermement et qu'ils cessent leurs durs reproches. Sarpédon parla ainsi, et il mordit l'âme de Hector, et celui-ci sauta aussitôt de son char avec ses armes, et brandissant deux lances aiguës, courut de toutes parts à travers l'armée, l'excitant à combattre un rude combat. Et les Troyens revinrent à la charge, et tinrent tête aux Achaïens, et les Argiens les attendirent de pied ferme. Ainsi que, dans les airs sacrés, à l'aide des vanneurs et du vent, la blonde Déméter sépare le bon grain de la paille, et que celle-ci, amoncelée, et couverte d'une poudre blanche, de même les Achaïens étaient enveloppés d'une poussière blanche qui montait du milieu d'eux vers l'Ouranos et que soulevaient les pieds des chevaux frappant la terre, tandis que les guerriers se mêlaient de nouveau et que les conducteurs de chars les ramenaient au combat. Et le furieux Arès, couvert d'une nuée, allait de toutes parts, excitant les Troyens. Il obéissait ainsi aux ordres que lui avait donnés Phoïbos Apollon, qui porte une épée d'or, quand celui-ci avait vu partir Athénée, protectrice des Danaïns. Et l'archer Apollon fit sortir Aïnéas du sanctuaire et remplit de vigueur la poitrine du prince des peuples. Et ce dernier reparut au milieu de ses compagnons, plein de joie de le voir vivant, sain et sauf, et possédant toutes ses forces. Mais ils ne lui dirent rien, car les travaux que leur préparait Arès, fléau des hommes, Apollon et Eris, ne leur permirent point de l'interroger. Et les deux Aias, Odysseus et Diomédès, exhortaient les Danaïns au combat. Et ceux-ci, sans craindre les forces et l'impétuosité des Troyens, les attendaient de pied ferme, semblables à ces nuées que le Cronion arrête à la cime des montagnes. Quand le Boréas et les autres vents violents se sont calmés, eux, dont le souffle disperse les nuages épais et immobiles. Ainsi les Danaïns attendaient les Troyens de pied ferme. Et l'Atréide, courant çà et là au milieu d'eux, les excitait ainsi. « Amis, soyez des hommes, ruez-vous d'un cœur ferme dans la rude bataille. Ce sont les plus braves qui échappent en plus grand nombre à la mort. Mais ceux qui fuient n'ont ni force, ni gloire. » Il parla, et lançant sa longue pique, il perça au premier rang le guerrier d'Eïcoon, Pergaside, compagnon du magnanime Aïnéas, et que les Troyens honoraient autant que les fils de Priamos, parce qu'il était toujours parmi les premiers au combat. Et le roi Agamemnon le frappa de sa pique dans le bouclier qui n'arrêta point le coup, car la pique le traversa et entra dans le ventre en déchirant le ceinturon. Et il tomba avec bruit, et ses armes résonnèrent sur son corps. Alors Aïnéas tua deux braves guerriers danaïns, fils de Dioclès, Créton et Orsilochos, et leur père habitait Ferré bien bâti, et il était riche, et il descendait du fleuve Alphéios, qui coule largement sur la terre des Pyliens. Et l'Alphéios avait engendré Orsilochos, chef de nombreux guerriers, et Orsilochos avait engendré le magnanime Dioclès, et de Dioclès étaient nés deux fils jumeaux, Créton et Orsilochos, habiles à tous les combats. Tout jeunes encore, ils vinrent sur leur nef noire vers Ilios, aux bons chevaux, ayant suivi les Argiens pour la cause et l'honneur des Atréides, Agamemnon et Ménélaos. Et c'est là que la mort les atteignit. Comme deux jeunes lions nourris par leur mère sur le sommet des montagnes, au fond des épaisses forêts, et qui enlevèrent les bœufs et les brebis, et qui dévastent les étables jusqu'à ce qu'ils soient tués de l'airain aigu par les mains des pâtres, tels ils tombèrent tous deux, frappés par les mains d'Aïnéas, pareils à des pins élevés. Et Ménélaos, hardi au combat, eut pitié de leur chute, et il s'avança au premier rang, vêtu de l'airain étincelant et brandissant sa pique. Et Arès l'excitait, afin qu'il tombât sous les mains d'Aïnéas. Mais Antilochos, fils du magnanime Nastor, le vit et s'avança au premier rang, car il craignait pour le prince des peuples, dont la mort eût rendu leurs travaux inutiles. Ils croisaient déjà leurs piques aiguës, prêts à se combattre, quand Antilochos vint se placer auprès du prince des peuples. Aïnéas, bien que très brave, recula, voyant les deux guerriers prêts à l'attaquer. Et ceux-ci entraînèrent les morts parmi les Achaïens, et, les remettant à leurs compagnons, revinrent combattre au premier rang. Alors ils tuèrent Pylaïménès, égal à Arès, chef des magnanimes Paphlagones, porteur de boucliers. Et l'illustre Atréide, Ménélaos, le perça de sa pique à la clavicule. Et Antilochos frappa au coude d'un coup de pierre le conducteur de son char, le brave Atimniade Midon, comme il faisait reculer ses chevaux aux sabots massifs. Et les blanches rênes, ornées d'ivoire, s'échappèrent de ses mains. Et Antilochos, sautant sur lui, le perça à la tempe d'un coup d'épée. Et, ne respirant plus, il tomba du beau char, la tête et les épaules enfoncées dans le sable qui était creusé en cet endroit. Ses chevaux le foulèrent aux pieds, et Antilochos les chassa vers l'armée des Achaïens. Mais Hector, les ayant aperçus tous deux, se rua à travers la mêlée en poussant des cris. Et les braves phalanges des Troyens le suivaient, et devant elles marchait Arès et la vénérable Ennio. Celle-ci menait le tumulte immense du combat, et Arès, brandissant une grande pique, allait tantôt devant et tantôt derrière Hector. Et Diomédès, hardi au combat, ayant vu Arès, frémit. « comme un voyageur troublé s'arrête au bout d'une plaine immense, sur le bord d'un fleuve impétueux qui tombe dans la mer et qui recule à la vue de l'onde bouillonnante, ainsi le Tydéide recula et dit aux siens : Ô amis, combien nous admirions justement le divin Hector, habile à lancer la pique et audacieux en combattant. Quelque dieu se tient toujours à son côté et détourne de lui la mort. Maintenant, voici qu'Arès l'accompagne, semblable à un guerrier. C'est pourquoi reculons devant les Troyens et ne vous hâtez point de combattre les dieux. » Il parla ainsi, et les Troyens approchèrent. Alors Hector tua deux guerriers habiles au combat, et montés sur un même char, Ménestès et Anchialos. Et le grand Télamonien Asias eut pitié de leur chute, et marchant en avant, il lança sa pique brillante. Et il frappa Amphion, fils de Sélagos, qui habitait Països, et qui était fort riche. Mais sa moire l'avait envoyé secourir les Priamides. Et le Télamonien Aias l'atteignit au ceinturon, et la longue pique resta enfoncée dans le bas-ventre. Et il tomba avec bruit, et l'illustre Aias accourut pour le dépouiller de ses armes. Mais les Troyens le couvrirent d'une grêle de piques aiguës et brillantes, et son bouclier en fut hérissé. Cependant, pressant du pied le cadavre, il en arracha sa pique d'airain. Mais il ne put enlever les belles armes, étant accablé de traits. Et il craignit la vigoureuse attaque des braves Troyens qui le pressaient de leurs piques et le firent reculer, bien qu'il fût grand, fort et illustre. Et c'est ainsi qu'il luttait dans la rude mêlée. Et voici que la moire violente amena, en face du divin Sarpedon, le grand et vigoureux Héraclide Tlépolémos. Et quand ils se furent rencontrés tous deux, le fils et le petit-fils de Zeus qui amassent les nuées, Tlépolémos le premier parla ainsi. « Sarpedon, chef des Lykiens, quelle nécessité te pousse tremblant dans la mêlée, toi qui n'es qu'un guerrier inhabile. Des menteurs disent que tu es fils de Zeus tempétueux, tandis que tu es loin de valoir les guerriers qui naquirent de Zeus, aux temps antiques des hommes, tels que le robuste Héraclès au cœur de lion, mon père. » Il vint ici autrefois, à cause des chevaux de Laomédon, et avec six nefs seulement et peu de compagnons, il renversa Ilios et dépeupla ses rues. Mais toi, tu n'es qu'un lâche, et tes guerriers succombent. Et je ne pense point que, même étant brave, tu aies apporté de Lykié un grand secours aux Troyens, car, tué par moi, tu vas descendre au seuil d'Aïdès. » Et Sarpedon, chef des Lykiens, lui répondit : Tlépolémos, certes, Héraclès renversa la sainte Ilios, grâce à la témérité de l'illustre Laomédon, qui lui adressa injustement de mauvaises paroles, et lui refusa les cavales qu'il était venu chercher de si loin. Mais pour toi, je te prédis la mort et la noire guerre, car je vais t'envoyer, tué par ma pique, et me donnant une grande gloire, vers Aïdès, qui a d'illustres chevaux. » Sarpedon parla ainsi, et Tlépolémos leva sa pique de frêne, et les deux longues piques s'élancèrent en même temps de leurs mains. Et Sarpedon le frappa au milieu du cou, et la pointe amère le traversa de part en part. Et la noire nuit enveloppa les yeux de Tlépolémos. Mais celui-ci avait percé de sa longue pique la cuisse gauche de Sarpedon, et la pointe était restée engagée dans l'os, et le chronide, son père, avait détourné la mort de lui. Et les braves compagnons de Sarpedon l'enlevèrent hors de la mêlée. Et il gémissait, traînant la longue pique de frêne restée dans la blessure, car aucun d'eux n'avait songé à l'arracher de la cuisse du guerrier, pour qu'il pût monter sur son char, tant il se hâtait. De leur côté, les Achaïens aux belles Cnémides emportèrent Tlépolémos hors de la mêlée. Et le divin Odysseus, au cœur ferme, l'ayant aperçu, s'affligea dans son âme. Il délibéra dans son esprit et dans son cœur s'il poursuivrait le fils de Zeus qui tonne hautement, ou s'il arracherait l'âme à une multitude de Lykiens. Mais il n'était point dans la destinée du magnanime Odysseus de tuer avec les reins aigus le brave fils de Zeus. C'est pourquoi Athénée lui inspira de se jeter sur la foule des Lykiens. Alors il tua Coiranos et Alastor, et Chromios et Alcandros, et Alios, et Noémon, et Prytanis. Et le divin Odysseus eût tué une plus grande foule de Lykiens si le grand Hector au casque mouvant ne l'eût aperçu. Et il s'élança au premier rang, armé de l'airain éclatant, jetant la terreur parmi les Danaïens. Et Sarpédon, fils de Zeus, se réjouit de sa venue et lui dit cette parole lamentable. « Priamide, ne permets pas que je reste la proie des Danaïens et viens à mon aide, afin que je puisse au moins expirer dans votre ville, puisque je ne dois plus revoir la chère patrie et ma femme bien-aimée et mon petit enfant. » Mais Hector, au casque mouvant, ne lui répondit pas, et il s'élança en avant, plein du désir de repousser promptement les Argiens et d'arracher l'âme à une foule d'entre eux. Et les compagnons du divin Sarpédon le déposèrent sous le boêtre de Zeus tempétueux. Et le brave Pélagon, qui était le plus cher de ses compagnons, lui arracha hors de la cuisse la pique de frêne. Et son âme défaillit, et une nuée épaisse couvrit ses yeux. Mais le souffle de Boréas le ranima, et il ressaisit son âme, qui s'évanouissait. Et les Achaïens, devant Arès et Hector au casque d'airain, ne fuyaient point vers les nefs noires, et ne se ruaient pas non plus dans la mêlée, mais reculaient toujours, ayant aperçu Arès parmi les Troyens. Alors, quel fut le guerrier qui, le premier, fut tué par Hector Priamide et par Arès vêtu d'airain, et quel fut le dernier? Tétras, semblable à un dieu, et l'habile cavalier Orestès, et Trécos, combattant à Itolien, et Oinomaos, et Loinopide, Hélénos, et Oresbios, qui portait une mitre brillante, et celui-ci habitait Ilée, où il prenait soin de ses richesses, au milieu du lac Éphicide, non loin des riches tribus des Béoïciens. Et la divine Errée au bras blanc, voyant que les Argiens périssaient dans la rude mêlée, dit à Athénée ces paroles ailées. « Ah, fille indomptable de Zeus tempétueux, certes, nous aurons vainement promis à Ménélaos qu'il retournerait dans sa patrie après avoir renversé Ilios aux fortes murailles, si nous laissons ainsi le cruel Arès répandre sa fureur. Viens, et souvenons-nous de notre courage impétueux. » Elle parla ainsi, et la divine Athénée aux yeux clairs obéit. La vénérable déesse Errée, fille du grand Cronos, se hâta de mettre à ses chevaux le harnais d'or. Hébé attacha promptement les roues au char, aux deux bouts de l'essieu de fer. Et les roues étaient d'airain, à 8 rayons, et les jantes étaient d'un or incorruptible, mais par-dessus étaient posées des bandes d'airain admirables à voir. Les deux moyeux étaient revêtus d'argent, et le siège était suspendu à des courroies d'or et d'argent, et deux cercles étaient placés en avant d'où sortait le timon d'argent, et à l'extrémité du timon, Errée lia le beau joug d'or et les belles courroies d'or. Puis, avide de discorde et de cris de guerre, elle soumit au joug ses chevaux aux pieds rapides. Et Athénée, fille de Zeus tempétueux, laissa tomber sur le pavé de la demeure paternelle le péplos subtil aux ornements variés qu'elle avait fait et achevé de ses mains, et elle revêtit la cuirasse de Zeus qui amasse les nuées, et l'armure de la guerre lamentable. Elle plaça autour de ses épaules l'aigide aux longues franges, horribles, et que la fuite environnait. Et là se tenait la discorde, la force et l'effrayante poursuite, et la tête affreuse, horrible et divine, du monstre Gorgo. Et Athénée posa sur sa tête un casque hérissé d'aigrettes, aux 4 cônes d'or, et qui eut recouvert les habitants de 100 villes. Et elle monta sur le char splendide, et elle saisit une pique lourde, grande, solide, avec laquelle elle domptait la foule des hommes héroïques, contre lesquels elle s'irritait, étant la fille d'un père puissant. Errée pressa du fouet les chevaux rapides, et, devant eux s'ouvrirent d'elles-mêmes les portes ouraniennes que gardaient les heures. Et celles-ci, veillant sur le grand Ouranos et sur l'Olympos, ouvraient ou fermaient la nuée épaisse qui flottait autour. Et les chevaux dociles franchirent ces portes, et les déesses trouvèrent le Cronion, assis loin des dieux, sur le plus haut sommet de l'Olympos, aux cimes sans nombre. Et la divine Errée au bras blanc, retenant ses chevaux, parla ainsi au très haut Zeus Cronide. « Zeus, ne réprimeras-tu pas les cruelles violences d'Arès, qui causent impudemment tant de ravages parmi les peuples achaïens? J'en ai une grande douleur, et voici qu'Aphrodite et Apollon à l'arc d'argent se réjouissent d'avoir excité cet insensé qui ignore toute justice. Père Zeus, ne t'irriteras-tu point contre moi si je chasse de la mêlée Arès rudement châtié? » Et Zeus, qui amasse les nuées, lui répondit, « Va, excite contre lui la dévastatrice Athénée, qui est accoutumée à lui infliger de rudes châtiments. » Il parla ainsi, et la divine errée au bras blanc obéit, et elle frappa ses chevaux, et ils s'envolèrent entre la terre et l'Ouranos étoilé. Autant un homme, assis sur une roche élevée, et regardant la mer pourprée, voit d'espace aérien, autant les chevaux des dieux en franchirent d'un saut. Et quand les deux déesses furent parvenues devant Ilios, là où le Scamandros et le Simoïs unissent leurs cours, la divine errée au bras blanc détela ses chevaux et les enveloppa d'une nuée épaisse. Et le Simoïs fit croître pour eux une pâture ambroisienne. Et les déesses, semblables dans leur vol à de jeunes colombes, se hâtèrent de secourir les Argiens. Et quand elles parvinrent là où les Achaïens luttaient en foule autour de la force du dompteur de chevaux Diomédès, tels que des lions mangeurs de chair crue ou de sauvages et opiniâtres sangliers, la divine errée au bras blanc s'arrêta et jeta un grand cri, ayant pris la forme du magnanime Stentor à la voix d'airain, qui criait aussi haut que 50 autres. « Honte à vous, ô Argiens, fiers d'être beaux, mais couverts d'opprobre. Aussi longtemps que le divin Achilleus se rua dans la mêlée, jamais les Troyens n'osèrent passer les portes dardaniennes. Et maintenant, voici qu'ils combattent loin d'Ilios, devant les nefs creuses. » Ayant ainsi parlé, elle ranima le courage de chacun. Et la déesse Athénée aux yeux clairs, cherchant le Tydéide, rencontra ce roi auprès de ses chevaux et de son char. Et il rafraîchissait la blessure que lui avait faite la flèche de Pandaros. Et la sueur l'inondait sous le large ceinturon d'où pendait son bouclier bombé. Et ses mains étaient lasses. Il soulevait son ceinturon et étanchait un sang noir. Et la déesse auprès du joug lui parla ainsi. Certes, Tydéus n'a point engendré un fils semblable à lui. Tydéus était de petite taille, mais c'était un homme. Je lui défendis vainement de combattre quand il vint seul, envoyé à Thébée par les Achaïens, au milieu des innombrables Cadméiones. Et je lui ordonnai de s'asseoir paisiblement à leur repas, dans leur demeure. Cependant, ayant toujours le cœur aussi ferme, il provoqua les jeunes Cadméiones et les vainquit aisément, car j'étais sa protectrice assidue. Certes, aujourd'hui je te protège, je te défends, et je te pousse à combattre ardemment les Troyens. Mais la fatigue a rompu tes membres, ou la crainte t'a saisi le cœur, et tu n'es plus le fils de l'excellent cavalier Tydéus Oïnéide. Et le brave Diomédès lui répondit, « Je te reconnais, déesse, fille de Zeus tempétueux. Je te parlerai franchement et ne te cacherai rien, ni la crainte ni la faiblesse ne m'accablent, mais je me souviens de tes ordres. Tu m'as défendu de combattre les dieux heureux, mais de frapper de l'airain aigu Aphrodité, la fille de Zeus, si elle descendait dans la mêlée. C'est pourquoi je recule maintenant, et j'ai ordonné à tous les Argiens de se réunir ici, car j'ai reconnu Arès qui dirige le combat. » Et la divine Athénée, aux yeux clairs, lui répondit, « Tydée Diomédès, le plus cher à mon cœur, ne crains ni Arès ni aucun des autres immortels, car je suis pour toi une protectrice assidue. Viens, pousse contre Arès tes chevaux au sabot massif. Frappe-le, et ne respecte pas le furieux Arès, ce dieu changeant et insensé qui, naguère, nous avait promis à moi et à Erré de combattre les Troyens et de secourir les Argiens, et qui, maintenant, s'est tourné du côté des Troyens et oublie ses promesses. » Ayant ainsi parlé, elle saisit de la main Sthénélos pour le faire descendre du char. Et celui-ci sauta promptement à terre. Et elle monta auprès du divin Diomédès, et l'essieu du char gémit sous le poids, car il portait une déesse puissante et un brave guerrier. Et Pallas Athénée, saisissant le fouet et les rênes, poussa vers Arès les chevaux au sabot massif. Et le dieu venait de tuer le grand Périphas, le plus brave des Aïtoliens, illustre fils d'Océsios. Et tout sanglant, il le dépouillait. Mais Athénée mit le casque d'Aïdès pour que le puissant Arès ne la reconnût pas. Et dès que le fléau des hommes, Arès, eut aperçu le divin Diomédès, il laissa le grand Périphas étendu dans la poussière, là où, l'ayant tué, il lui avait arraché l'âme. Il marcha droit à l'habile cavalier Diomédès. Et quand ils se furent rapprochés l'un de l'autre, Arès, le premier, lança sa pique d'airain par-dessus le joug et les rênes des chevaux, voulant arracher l'âme du Tédéide. Mais la divine Athénée, aux yeux clairs, saisissant le trait d'une main, le détourna du char afin de le rendre inutile. Puis Diomédès, hardi au combat, lança impétueusement sa pique d'airain, et Pallas Athénée la dirigea dans le bas-ventre, sous le ceinturon. Et le dieu fut blessé, et la pique, ramenée en arrière, déchira sa belle peau, et le féroce Arès poussa un cri aussi fort que la clameur de 10 000 guerriers se ruant dans la mêlée. Et l'épouvante saisit les Achaïens et les Troyens, tant avait retenti le cri d'Arès insatiable de combat. Et, comme apparaît au-dessous des nuées une noire vapeur chassée par un vent brûlant, ainsi Arès apparut au brave Tydéi Diomédès, tandis qu'il traversait le vaste Ouranos au milieu des nuages. Et il parvint à la demeure des dieux, dans le haut Olympos. Et il s'assit auprès de Zeus Cronion, gémissant dans son cœur, et, lui montrant le sang immortel qui coulait de sa blessure, il lui dit en paroles ailées, « Père Zeus, ne t'indigneras-tu point de voir ces violences ? Toujours, nous, les dieux, nous nous faisons souffrir cruellement pour la cause des hommes. Mais c'est toi qui es la source de nos querelles, car tu as enfanté une fille insensée, perverse et inique. Nous, les dieux olympiens, nous t'obéissons et nous te sommes également soumis. Mais jamais tu ne blâmes ni ne réprimes celle-ci, et tu lui permets tout, parce que tu as engendré seule cette fille funeste, qui pousse le fils de Tydéus, le magnanime Diomédès, à se jeter furieux sur les dieux immortels. Il a blessé d'abord la main d'Aphrodite, puis il s'est rué sur moi, semblable à un dieu, et si mes pieds rapides ne m'avaient emporté, je subirais 1000 maux, couché vivant au milieu des cadavres, et livré sans force au coup de l'airain. » Et Zeus, qui amasse les nuées, le regardant d'un œil sombre, lui répondit, « Cesse de te plaindre à moi, dieu changeant. Je te hais le plus entre tous les Olympiens, car tu n'aimes que la discorde, la guerre et le combat. Et tu as l'esprit intraitable de ta mère errée, que mes paroles répriment à peine. C'est son exemple qui cause tes maux. Mais je ne permettrai pas que tu souffres plus longtemps, car tu es mon fils, et c'est de moi que ta mère t'a conçu. Méchant comme tu es, si tu étais né de quelque autre dieu, depuis longtemps déjà tu serais le dernier des Ouraniens. » Il parla ainsi et ordonna à Paillon de le guérir, et celui-ci le guérit en arrosant sa blessure de doux remèdes liquides, car il n'était point mortel. Aussi vite le lait blanc s'épaissit quand on l'agite, aussi vite le furieux Arès fut guéri. Hébé le baigna et le revêtit de beaux vêtements, et il s'assit, fier de cet honneur, auprès de Zeus Cronion. Et l'Argienne errée et la protectrice Athénée rentrèrent dans la demeure du grand Zeus, après avoir chassé le cruel Arès de la mêlée guerrière.